croyais grandir, c'était juste cocher des cases. Quand 27 nous prouve que c'est un jeu où tout s'écrase. À 20 ans, on doit savoir où on va, c'est ce qu'on dit. Mais personne nous apprend à supporter ce qu'on vit. On joue aux adultes, mais les règles changent sans arrêt. On fait semblant d'être fort alors qu'on tombe en secret. On sourit au taf, on pleure quand la porte se ferme. On dit ça va même quand la nuit devient trop terne. On veut réussir, mais on sait pas si c'est possible. On cherche l'équilibre dans un monde imprévisible. C'est un jeu d'adulte, mais personne lit les règles. On avance même quand la vie nous assiège. On fait semblant mais nos cœurs tiennent à peine. On joue le rôle mais la vérité nous gêne. On signe des contrats sans comprendre les lignes fines. On fait des choix qui nous suivent comme des mines. On rêve de liberté mais on s'enferme par peur. On cherche l'amour mais on tombe sur nos erreurs. On garde la tête haute même quand tout penche. On met la fatigue dans des sourires de revanche. On se dit que demain peut-être sera plus beau. Mais on sait que la vie joue avec nous comme des dominos. C'est un jeu d'adulte mais personne lit les règles. On avance même quand la vie nous assiège. On fait semblant mais nos cœurs tiennent à peine. On joue le rôle mais la vérité nous gêne. On grandit en marchant sur nos doutes, un par un. Le jeu continue, même quand on comprend rien.